And now let's continue with the next set of words and phrases. As usual, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Nous commençons. Est-ce qu'il y a? Is there? Est-ce qu'il y a? Par ici. Around here. Par ici. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Qu'est-ce que c'est around here en français? En français, c'est par ici. Par ici. Et qu'est-ce que c'est I don't know en français? En français, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Et enfin, qu'est-ce que c'est is there en français? En français, c'est est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a?